إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bienvenue à tous, chers auditeurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit bienfaisant envers vous et vous bénisse où que vous soyez. Nous reprenons l'étude de l'épître sur les prosternations de la distraction. De l'éminent savant, Al-Sheikh Al-Uthaymeen, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. Et nous nous sommes arrêtés à la parole de l'auteur, chapitre 2, la diminution. La diminution peut être dans les piliers, tels que la prosternation, les obligations, telles que le premier tachahoud, et également dans les choses recommandées, telles que lever les mains lors du takbir. Et l'oubli dans chacune de ces choses a un jugement bien précis. Et le Cheikh Rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, va commencer par le délaissement d'un pilier. Il dit, le délaissement d'un pilier, si le prieur délaisse le takbir de sacralisation, qui est un pilier, sa prière est invalide. Et ceci que le délaissement soit involontaire ou non, car la prière n'a pas été entamée. Si le pilier délaissé volontairement est autre que le premier takbir, la prière est également invalide. Par contre, si par oubli, le prieur délaisse un pilier de la première unité et qu'au moment où il s'en rend compte, il a atteint ce même pilier dans la deuxième unité, alors la première unité est annulée et la deuxième prend sa place. Si le prieur n'a pas atteint ce même pilier de la deuxième unité au moment où il s'en rend compte, il doit alors revenir au pilier délaissé de la première unité, l'accomplir et terminer sa prière. Dans les deux cas, il est obligatoire de faire les prosternations de la distraction après la salutation. Donc l'auteur nous dit ici qu'il y a deux cas de figure dans le délaissement d'un pilier dans la prière. Le premier est lorsque le prieur délaisse le takbir de sacralisation. Ici la prière n'a pas été entamé, car le takbir de sacralisation marque le début de la prière. Par conséquent, si la prière n'a pas commencé, elle ne peut pas être valide. Le deuxième cas est lorsque le prieur délaisse un pilier autre que le takbir de sacralisation. Dans cette situation, il y a deux cas de figure. Le premier est lorsque le prieur délaisse un pilier de la première unité et qu'au moment où il s'en rend compte, il a atteint ce même pilier dans la deuxième unité. Alors la première unité est annulée et la deuxième prend sa place. Imaginons par exemple que Omeyr prie le Asr et oublie la première prosternation de la première unité et s'en rend compte lors de la deuxième prosternation de la deuxième unité. Dans cette situation, il doit considérer la première unité caduque et la deuxième unité prend sa place. Le deuxième cas est lorsque le prieur a oublié un pilier mais n'a pas atteint ce même pilier de l'unité suivante au moment où il s'en rend compte. Il doit alors revenir au pilier délaissé de la première unité, l'accomplir et terminer sa prière. Imaginons par exemple que Abbas oublie l'inclinaison de la première unité et s'en rend compte lorsqu'il récite la Fatiha dans la deuxième unité. Ici, il doit revenir au pilier qu'il a délaissé, c'est-à-dire qu'il doit s'incliner et continuer sa prière. À partir de là, et à la fin de celle-ci, il devra accomplir les prosternations de la distraction. Donc par la suite, l'auteur, rahimahullah, va mentionner deux exemples. Il dit, exemple, une personne a oublié la deuxième prosternation de la première unité et ne s'en rend compte qu'au moment où il est assis entre les deux prosternations de la deuxième unité. À ce moment-là, la première unité est annulée et la seconde prend sa place, c'est-à-dire que la deuxième unité est considérée comme étant la première. La personne complète alors sa prière, effectue les prosternations de la distraction après la salutation finale, puis salue de nouveau. Naam, car ici, il s'est rendu compte de l'oubli du pilier lorsqu'il eut atteint le même pilier de l'unité suivante. Et dans cette situation, l'unité où il a oublié le pilier s'annule. Ensuite, l'auteur nous dit autre exemple. Une personne a oublié d'effectuer, lors de la première unité, la seconde prosternation, ainsi que la position assise qui la précède, et se rend compte de l'oubli après s'être relevé de l'inclinaison de la seconde unité. À ce moment-là, la personne doit revenir au pilier omis de la première unité, c'est-à-dire la position assise entre les deux prosternations, ainsi que la seconde prosternation. Elle doit donc s'asseoir, accomplir le reste de sa prière, puis effectuer les prosternations de la distraction après la salutation finale et de nouveau saluer. Car ici, il s'est rendu compte de l'oubli du pilier avant d'atteindre ce même pilier de l'unité suivante. Par conséquent, il doit revenir au pilier oublié et continuer sa prière. Et à la fin, accomplir les prosternations de la distraction après le salam. Donc voici ce que le cheikh rahimahullah a mentionné quant à l'oubli du pilier. Et ceci est l'avis de nombreux savants. Cependant, cet avis peut être difficile à appliquer pour certaines personnes de la masse ou encore ceux qui sont fraîchement converti à l'islam. Par conséquent, quelqu'un pourrait se demander que doit faire celui qui a du mal à appliquer ce qu'a mentionné l'auteur, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. La réponse à cette question est que nous allons lui dire d'appliquer l'avis de certains savants, tels que Ibn Qudama, Al-Maqdisi et d'autres jurisconsultes, qui est beaucoup plus facile et qui est un avis jugé bon, qui est de revenir au pilier oublié Tant que tu n'as pas commencé à réciter dans l'unité suivante, tant que tu n'as pas commencé à réciter donc la Fatiha dans l'unité suivante. Par contre, si tu t'en rends compte après avoir commencé à réciter dans l'unité suivante, l'unité où tu as oublié le pilier s'annulera. Et ceci est beaucoup plus simple. Imaginons par exemple que Omar oublie la première inclinaison de la première unité. S'il se rappelle de cet oubli, avant d'arriver à la récitation de la Fatiha, de la deuxième unité, il devra revenir au pilier omis, l'accomplir et continuer sa prière à partir de là. Puis il effectuera les prosternations de la distraction à la fin de la prière. Par contre, s'il s'en rend compte lorsqu'il a déjà commencé à lire Sourate al-Fatiha dans l'unité suivante, la première unité s'annule. Par conséquent, la deuxième unité devient la première et il devra accomplir la prosternation de l'oubli après le salam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ensuite, l'auteur nous dit le délaissement d'une obligation. Si le prieur délaisse volontairement une obligation de la prière, sa prière est annulée. Si par oubli, il délaisse une obligation, puis se rend compte de son oubli, avant qu'il ne quitte la position de cette obligation, il doit alors l'accomplir et n'aura pas à effectuer les prosternations de la distraction. S'il se rend compte de l'oubli après avoir quitté la position de cette obligation, mais avant d'atteindre le pilier suivant, il doit revenir, accomplir cette obligation, terminer sa prière, puis effectuer les prosternations de la distraction après la salutation finale et de nouveau saluer. Par contre, s'il se rend compte de son oubli, après avoir atteint le pilier qui suit l'obligation omise, alors celle-ci n'est plus à effectuer. Et le prieur ne doit plus revenir, mais continuer sa prière, puis effectuer les prosternations de la distraction avant le salam. Exemple. Dans la deuxième unité, une personne se relève de la deuxième prosternation pour la troisième unité en oubliant le premier tashahhud. Puis elle se rend compte de son oubli. Avant de se lever, elle doit rester assise, accomplir le premier tashahhud, terminer sa prière et n'aura pas à effectuer les prosternations de la distraction. Si elle se rend compte de son oubli en se relevant, mais avant d'être debout, elle doit alors se rasseoir, effectuer le premier tashahhud, terminer sa prière et accomplir les prosternations de la distraction après la salutation, puis saluer de nouveau. Par contre, si elle se rend compte de son oubli après s'être relevée, elle n'aura pas à faire le premier tashahhud, elle doit terminer sa prière et effectuer les prosternations de la distraction avant la salutation finale. Ici, l'auteur, rahimahullah, nous mentionne l'oubli d'une obligation et donne l'exemple du premier tashahhud. Et il nous dit que lorsque le prieur oublie le tashahhud, il y a deux cas de figure. Le premier est lorsque le prieur se rend compte de l'oubli après avoir quitté la position de cette obligation, mais avant d'atteindre le pilier suivant. Dans ce cas, il doit revenir en position assise, faire le tashahhud et continuer sa prière. Et il devra accomplir les prosternations de la distraction à la fin de la prière. Imaginons que Ilyès se lève de la deuxième unité sans faire le tashahhud. Toutefois, alors qu'il est à moitié debout, il se rend compte de l'oubli. Ici, il devra se rasseoir pour faire le tashahhud, puis continuer sa prière. Et à la fin, il devra effectuer les prosternations de la distraction. Le deuxième cas est qu'il s'en rend compte lorsqu'il est complètement debout. Dans ce cas, il ne lui est pas permis de revenir. Il doit continuer sa prière et accomplir les deux prosternations de la distraction à la fin. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, va mentionner une preuve pour appuyer ses dires. Il dit, la preuve, le hadith rapporté par al-Bukhari et d'autres. Selon Abdullah ibn Buhayna, qu'Allah l'agré qui rapporte, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en effectuant la prière du Dhuhr, se leva pour la troisième unité sans avoir accompli le premier tashahhud. Les gens se sont levés avec lui. À la fin de la prière, alors que les gens attendaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam salue, il fit le takbir en étant assis, effectua les prosternations de la distraction et salua. Donc lorsque l'imam oublie le tashahhud, en l'occurrence le premier tashahhud, et se lève complètement pour accomplir la troisième unité, les fidèles ne doivent pas dire Subhanallah pour le prévenir de son erreur, car il ne lui est pas permis de revenir. Il fut rapporté dans certaines versions du hadith, notamment celle de Tirmidhi, qu'Allah lui fasse miséricorde, que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont dit Subhanallah, mais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas assis, car il était déjà levé complètement. Et il arriva la même chose à Uqba ibn Amir, qu'Allah l'agré. Il ne s'assit pas et dit aux fidèles après la prière que c'est comme cela que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quelqu'un pourrait se demander, qu'en est-il de celui qui oublie le tashahhud, se lève complètement pour la troisième unité et se rassoit pour faire le tashahhud? La réponse est que certains savants sont d'avis que sa prière est invalide, tandis que d'autres, et c'est l'avis le plus juste, incha'Allah ta'ala, sont d'avis qu'il a fait quelque chose d'interdit, mais que sa prière est valide. Ensuite, l'auteur nous dit, chapitre 3, le doute. Le doute, c'est l'hésitation entre deux situations, laquelle s'est produite dans les actes d'adoration. Le doute ne doit pas être considéré dans trois cas. Donc ici, l'auteur, rahmahullah, nous mentionne le doute. Et il commence par nous dire les différents cas lorsqu'il n'est pas pris en compte dans les actes d'adoration. Et avant de rentrer dans l'explication de ce que l'auteur a mentionné, nous allons mentionner la différence entre le waswas et le doute. Parmi les choses qui différencient le doute du waswas, est que le waswas est répétitif. Quant au doute, il vient de temps en temps. Et il est très important que celui qui est souvent touché par des waswas fasse les causes pour guérir. Et on compte parmi les causes les plus bénéfiques contre le waswas, le fait de ne pas y prêter attention. Car le fait de ne pas couper court est très dangereux. Car il peut mener à douter de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou encore de la véracité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Également, on compte parmi les causes contre le waswas le fait de chercher refuge près d'Allah subhanahu wa ta'ala, la lecture du Coran et des afkar. L'auteur poursuit en disant, si c'est une fausse impression qui n'a pas d'existence, comme les suggestions du diable. Petit 2, si la personne doute beaucoup, au point de ne plus pouvoir faire une adoration sans douter. Donc comme nous l'avons mentionné précédemment, le waswas est fréquent, tandis que le doute vient de temps en temps. Ensuite il dit, petit 3, si le doute apparaît après l'accomplissement de l'adoration, tant que ce n'est pas une certitude. Donc en effet, le doute après l'adoration n'est pas pris en compte. Par conséquent, celui qui doute après la prière ou après la purification ne doit pas prendre ce doute en considération. Ensuite, il dit, rahmahullah, exemple, une personne effectue la prière du Dhuhr. Après avoir terminé sa prière, elle doute si elle a prié 3 ou 4 unités. À ce moment-là, elle ne doit pas tenir compte de ce doute, sauf si elle est certaine de n'avoir prié que 3 unités. Naam, car ici, elle est passée du doute à la certitude. Il dit, dans ce cas, si elle s'est rendue compte qu'elle n'a prié que 3 unités, au bout d'un court moment, elle doit compléter sa prière, puis effectuer les prosternations de la distraction après la salutation finale et saluer de nouveau. Par contre, si elle s'est rendue compte de son omission au bout d'un long moment, elle doit entièrement refaire sa prière. Donc ceci est très clair. Ensuite, il dit, rahmahullah, le doute, hormis les 3 cas cités précédemment, doit être pris en compte. Pendant la prière, le doute répond toujours à un des 2 cas de figure suivants. Le premier cas, la personne fait prévaloir une situation par rapport à une autre et se fonde sur celle-ci pour terminer sa prière. Puis elle effectue les prosternations de la distraction après la salutation finale et salue de nouveau. Exemple, une personne accomplit la prière du Dhuhr et doute sur une unité. Est-ce la 2e ou la 3e? Mais elle fait prévaloir que c'est la 3e. Dans ce cas, elle considère cette unité comme étant la 3e, termine sa prière et effectue les prosternations de la distraction après la salutation finale et salue de nouveau. L'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, nous mentionne ici le premier cas de figure lors du doute. Et il nous dit que c'est lorsque le prieur doute mais fait prévaloir une situation par rapport à une autre. Dans ce cas, il doit se fonder sur celle-ci. Ensuite, il dit, la preuve, le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim et d'autres, selon Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque l'un d'entre vous hésite durant sa prière, qu'il s'efforce de rechercher la vérité et se fonde dessus pour terminer sa prière, puis qu'il salue et effectue 2 prosternations. Ce sont les termes d'El-Bukhari. Deuxièmement, la personne ne fait prévaloir aucune des 2 situations. Dans ce cas, elle doit se fonder sur la certitude, qui est le plus petit nombre d'unités, puis elle doit terminer sa prière et effectuer les prosternations de la distraction avant la salutation finale. Ici, l'auteur, rahmahullah, cite la 2e situation lors du doute. Et c'est lorsqu'on ne fait prévaloir aucune des 2 situations. Imaginons que Tariq doute sur le nombre d'unités. Il ne sait plus s'il a prié 2 ou 3 unités. Et ne fait prévaloir aucune des 2 situations. Que doit-il faire dans ce cas? Il doit se baser sur la certitude, qui est le plus petit nombre. En l'occurrence, 2 unités ici. Puis il doit continuer sa prière et effectuer les prosternations de la distraction à la fin de la prière. De même, dans le cas où le prieur doute s'il a fait ou pas une action de la prière, mais ne fait prévaloir aucune des 2 situations, la certitude sera qu'il n'a pas effectué cette action. Il devra se baser sur cela, continuer sa prière et accomplir les prosternations de la distraction à la fin de sa prière. Imaginons que Souleym doute lors de la première unité, alors qu'il est en position assise et se demande est-ce qu'il a accompli la 2e prosternation ou pas, sans pour autant faire prévaloir aucune des 2 situations. Dans ce cas, il se base sur la certitude, qui est l'absence de prosternation. Par conséquent, il doit se prosterner, continuer sa prière, et il effectuera les prosternations de la distraction à la fin. Ensuite, l'auteur nous dit, exemple, une personne accomplit la prière du Asr et doute sur une unité. Est-ce la deuxième ou la troisième? Elle ne fait prévaloir aucune des deux situations. Elle doit alors considérer que c'est la deuxième unité. Effectuer le premier tashahhud suivi de deux unités et effectuer les prosternations de la distraction avant la salutation finale. Car comme nous l'avons mentionné précédemment, lorsqu'on doute sur le nombre d'unités et qu'on fait prévaloir aucune des deux situations, la certitude est le plus petit nombre. Donc ici, on se basera sur deux unités. Ensuite, l'auteur nous dit, la preuve, le hadith rapporté par Muslim selon Abu Saïd al-Khudri, qu'Allah l'agrée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si l'un d'entre vous doute durant sa prière et ne sait plus s'il a prié trois ou quatre unités, qu'il élimine le doute et qu'il se fonde sur la certitude, puis qu'il effectue deux prosternations avant de saluer. S'il avait prié cinq unités, elles compenseront l'ajout commis. Et s'il avait prié quatre unités, elles seront une humiliation pour le diable. Ensuite, il dit, parmi les exemples de doute, si une personne arrive et trouve l'imam en état d'inclinaison, elle doit prononcer le takbir de sacralisation en étant bien debout, puis s'incliner. Ici, l'auteur, rahimahullah, va mentionner quelques exemples de doute et il a commencé par une situation qui arrive souvent aux hommes, qui est le fait de rentrer en prière alors que l'imam est incliné. Tout d'abord, il faut savoir qu'il y a deux manières de faire dans cette situation. La première est de faire le takbir de sacralisation en étant debout, puis ensuite s'incliner. La deuxième est de faire le takbir de sacralisation, toujours en étant debout, puis faire un autre takbir pour s'incliner, et ceci est la meilleure manière de faire. Car certains retardataires qui sont dans cette situation sont tellement pressés de rentrer en prière et d'avoir l'unité qu'ils font le takbir de sacralisation incliné, tandis que d'autres font le takbir pour s'incliner au lieu de faire le takbir de sacralisation. Ainsi, pour sortir de tout cela, il est préférable de faire deux takbirs dans cette situation. Le takbir de sacralisation et le takbir pour l'inclinaison. Ensuite, il dit, rahmahullah, ensuite, il y a forcément un des trois cas qui se présentent. Le premier, la personne est sûre de s'être inclinée avec l'imam. Elle comptabilise ainsi l'unité et n'aura pas à lire la Fatiha. Naam, car dans cette situation, l'unité est comptabilisée à partir du moment où la personne s'est inclinée avec l'imam. Puis il dit, rahimahullah, deuxième, la personne est sûre de ne pas s'être inclinée avec l'imam. Dans ce cas, elle ne comptabilise pas cette unité. Donc ceci est clair. Troisièmement, la personne doute si elle s'est inclinée avec l'imam et ainsi comptabilisera l'unité, ou bien si l'imam s'est relevé avant qu'elle ne s'incline et donc ne comptabilisera pas l'unité. Si la personne penche vers une situation plus que l'autre, elle doit alors se fonder dessus, terminer sa prière et effectuer les prosternations de la distraction après la salutation finale et saluer de nouveau. Cependant, si elle n'a rien manqué de la prière, elle n'aura pas à effectuer les prosternations de la distraction. Si elle ne tend pas vers une situation plus que l'autre, elle doit se fonder sur la certitude, c'est-à-dire que l'unité n'est pas comptabilisée. Terminer sa prière et accomplir les prosternations de la distraction avant la salutation finale. Car comme nous l'avons dit, la certitude dans cette situation est que l'unité n'est pas comptabilisée. Puis il dit, rahimahullah, remarque, une personne doute dans sa prière et se fonde sur la certitude ou sur la situation qu'elle fait prévaloir selon les règles précédemment citées. Si elle s'aperçoit que son acte coïncide avec la réalité, et qu'elle n'ait ni ajouté ni diminué dans sa prière, elle n'a pas à effectuer les prosternations de la distraction selon l'avis reconnu, car ce qui entraînait les prosternations, donc ici le doute, a disparu. D'autres ont dit qu'elle doit faire les prosternations de la distraction pour humilier le diable, comme dans le hadith précédemment cité, mais également car la personne a effectué une partie de sa prière en doutant. Ce dernier avis est le plus juste. Exemple, une personne prie et doute sur une unité. Est-ce la deuxième ou la troisième? Elle ne penche vers aucune de ces deux situations, puis elle considère cette unité comme étant la deuxième et continue sa prière. Ensuite, elle s'aperçoit que c'était vraiment la deuxième unité. Dans ce cas, elle ne doit pas effectuer les prosternations de la distraction selon beaucoup et elle doit les effectuer avant la salutation finale selon le deuxième avis qui est pour moi le plus juste. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Donc ici l'auteur, rahmahullah, nous mentionne la divergence des savants concernant celui qui doute dans sa prière et qui se fonde sur la certitude ou sur la situation qu'il fait prévaloir et par la suite s'aperçoit que son acte coïncide avec la réalité et qu'il n'a ni ajouté ni diminué dans sa prière. Certains sont d'avis que dans cette situation, il n'y a pas de prosternation, de distraction à accomplir. Tandis que d'autres voient le contraire. Et l'avis le plus juste est qu'il faut quand même effectuer les prosternations de la distraction. Car le prieur a passé un moment de sa prière en état de doute. Également, car les ahadiths concernant les prosternations de la distraction dues au doute sont générales. Et c'est cet avis que l'auteur rahmahullah a choisi. Ensuite, il dit, pour ceux qui prient derrière l'imam, si l'imam a commis un oubli durant sa prière, ceux qui prient derrière lui doivent le suivre dans les prosternations de la distraction. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'imam n'a été instauré que pour être suivi, ne divergez donc pas avec lui. Et lorsqu'il se prosterne, prosternez-vous. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim, d'après Abu Huraira, qu'Allah l'agré. Et ceci que l'imam effectue les prosternations de la distraction avant la salutation finale ou bien après. Celui qui prie derrière l'imam doit le suivre. Sauf dans le cas où cette personne a manqué une partie de la prière, dans ce cas, elle ne doit pas suivre l'imam si ce dernier fait les prosternations de la distraction après la salutation finale, car elle ne peut saluer avec l'imam sans avoir terminé sa prière. Elle doit donc compléter sa prière, puis effectuer les prosternations de la distraction après la salutation et de nouveau saluer. Le résumé de la parole de l'auteur est qu'il y a deux cas de figure concernant les prosternations de la distraction pour les retardataires lorsqu'ils prient derrière l'imam. Le premier cas est lorsque l'imam effectue les prosternations de la distraction avant le salam. Dans ce cas, il faudra se prosterner avec lui. Le deuxième cas est lorsque l'imam effectue les prosternations de la distraction après le salam. Dans ce cas, il faudra se lever et finir sa prière. Et quelqu'un pourrait se demander, dans cette situation, doit-on accomplir les prosternations de la distraction? La réponse est que tout dépend si le retardataire était présent lors de l'oubli de l'imam. Dans le cas où il était présent lors de l'oubli, il devra se lever après le teslim de l'imam pour finir sa prière et effectuer les prosternations de la distraction à la fin. Et dans le cas où il n'était pas présent, il n'aura pas effectué les prosternations de l'oubli une fois sa prière terminée. Ensuite, l'auteur nous donne un exemple. Exemple, une personne rejoint l'imam dans la deuxième unité, alors que l'imam doit effectuer les prosternations de la distraction. Après la salutation finale, lorsque l'imam fait la salutation finale, cette personne doit se lever, compléter sa prière et ne doit en aucun cas suivre l'imam. Puis après avoir accompli la prière, elle doit effectuer les prosternations de la distraction après la salutation finale et saluer de nouveau. Certains savants mentionnent un sujet en lien avec cet exemple. Qu'en est-il dans le cas où l'imam accomplit les prosternations de la distraction après le salam, puis lorsqu'il salue, celui qui était en retard se lève pour finir sa prière. Et lorsqu'il constate que l'imam effectue les prosternations de la distraction, il revient pour se prosterner avec l'imam. Et après les deux prosternations, il se lève pour continuer la prière. Cette question fut posée à l'éminent savant, à Cheikh Abdelaziz Ibn Baz. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. Et il répondit qu'il n'y a pas de mal dans cela. Ainsi, on tire de cette réponse que celui qui agit de la sorte, sa prière reste valide. Néanmoins, il lui suffisait simplement de continuer la prière et de se prosterner à la fin. Mais dans le cas où il revient pour se prosterner avec l'imam, sa prière reste valide, insha'Allahu ta'ala. Ensuite, il dit, rahmahullah, si la personne a effectué la prière dans son intégralité derrière l'imam et commet une erreur au cours de la prière, alors elle n'a pas à faire les prosternations de la distraction. Ceci pour deux raisons. La première est que ceci aura pour conséquence de ne plus suivre l'imam. La seconde raison est que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont délaissé le premier tashahhud lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait oublié. En effet, par respect pour la règle qui impose de suivre l'imam, ils se sont levés avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ici, l'auteur nous dit que celui qui prie la prière dans son intégralité derrière l'imam et commet une erreur au cours de la prière n'aura pas à faire les prosternations de la distraction. Néanmoins, il y a une question qui se pose. Est-ce que tel est le cas pour toutes les erreurs? C'est-à-dire, est-ce que celui qui prie derrière l'imam et qui fait une erreur ne devra jamais faire de prosternation de la distraction? La réponse à cette question est non. En effet, il y a certains cas où il lui sera obligatoire de faire les prosternations de la distraction, notamment s'il oublie un pilier. Lorsque celui qui prie derrière l'imam oublie un pilier, il y a plusieurs situations. Parmi elles, la première est qu'il oublie un pilier et qu'il s'en rend compte avant que l'imam arrive à ce pilier de l'unité suivante. Dans ce cas, il rattrape l'imam, puis lorsqu'il l'a rattrapé, il le suit de nouveau. Imaginons que Zakaria prie le dhuhr en groupe et oublie l'inclinaison de la première unité et s'en rend compte une fois arrivé à la deuxième prosternation de la première unité. Ici, il doit se lever, s'incliner et faire la suite jusqu'à ce qu'il rattrape l'imam. La deuxième situation est qu'il s'en rend compte après que l'imam soit arrivé au pilier qu'il a oublié de l'unité suivante. Dans ce cas-là, il suit l'imam jusqu'au teslim. Et lorsque l'imam salue, il se lève pour effectuer une unité entière. Puis à la fin de celle-ci, il effectue les prosternations de l'oubli. Imaginons que Daoud oublie la première prosternation de la deuxième unité et s'en rend compte lorsque l'imam est à la première prosternation de la deuxième unité. Ici, il ne revient pas en arrière, mais plutôt il suit l'imam jusqu'à la fin. Et lorsque l'imam salue, il se lève, accomplit une unité de prière entière et effectue les prosternations de la distraction à la fin. Ensuite, il dit, rahimahullah, par contre, si cette personne a manqué une partie de la prière avec l'imam et commet une erreur, soit avec l'imam, soit au moment où elle complète sa prière, elle doit alors accomplir les prosternations de la distraction avant ou après la salutation finale, selon les règles précédemment citées. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, donne quelques exemples. Il dit, exemple, si une personne prie derrière l'imam depuis le début et oublie de dire « Subhana Rabbi al-Azim » pendant l'inclinaison, elle n'a pas à effectuer les prosternations de la distraction. Par contre, si elle a manqué une unité ou plus, elle doit compléter sa prière et effectuer les prosternations de la distraction avant la salutation finale. Autre exemple, une personne accomplit la prière du dhuhr derrière l'imam. Lorsque l'imam se lève pour la quatrième unité, cette personne s'assoit en croyant que c'est la dernière unité. Ensuite, après avoir su que l'imam s'est levé, elle se lève aussi. Si cette personne a prié avec l'imam depuis le début, elle n'a pas à accomplir les prosternations de la distraction. Par contre, si cette personne a manqué une unité ou plus, elle doit alors compléter sa prière, effectuer les prosternations de la distraction après la salutation finale et de nouveau saluer. Puis l'auteur, rahmahullah, finit cette épître en citant les cas où les prosternations de la distraction doivent être effectuées avant le salam et les cas où ils doivent être effectués après. Il dit, nous remarquons, d'après l'étude précédente, que les prosternations de la distraction s'effectuent soit après la salutation finale, soit avant. Elles s'effectuent avant la salutation finale dans deux cas de figure. Lors d'une diminution, la preuve est le hadith de Abdullah ibn Buhayna, qu'Allah l'agré, qui a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a effectué les prosternations de la distraction avant la salutation finale lorsqu'il a délaissé le premier tashahhud. Ce hadith a été cité précédemment. Deuxièmement, lors d'un doute entre deux situations sans que l'une soit plus vraisemblable que l'autre, la preuve est le hadith d'Abu Saïd al-Khudri, qu'Allah l'agré, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam informe que celui qui doute dans sa prière et ne sait plus s'il a prié trois ou bien quatre unités doit effectuer deux prosternations avant la salutation. Ce hadith a également été cité précédemment. Elle s'effectue après la salutation finale dans deux cas de figure. Premièrement, lors d'un ajout. La preuve est le hadith de Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah l'agré, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli la prière du dhuhr en cinq unités. Une fois la prière terminée, les compagnons lui ont fait la remarque. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam effectua deux prosternations, puis salua, et n'a pas dit qu'il a effectué les prosternations après la salutation finale, simplement parce qu'il en a été informé après. Cela prouve la globalité du jugement, et que lors d'un ajout, les prosternations de la distraction se font après la salutation, et ceci que la personne se rende compte de l'ajout avant ou après la salutation finale. Exemple, celui qui par oubli salue avant l'accomplissement total de la prière, puis se rend compte de son erreur et termine sa prière, il a ajouté une salutation dans sa prière et doit effectuer les prosternations de la distraction après la salutation finale. La preuve, c'est le hadith d'Abu Huraira, qu'Allah l'agré, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam salua lors de la prière du Asr au bout de deux unités. Puis les compagnons lui ont fait la remarque. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam termina sa prière et effectua les prosternations de la distraction après la salutation finale. Ce hadith a été cité précédemment. Deuxièmement, lors d'un doute entre deux situations qui laissent prévaloir une situation par rapport à l'autre. La preuve est le hadith de Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, qu'Allah l'agré, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonne à celui qui doute dans sa prière de s'efforcer de chercher la vérité, de terminer sa prière puis d'effectuer les prosternations de la distraction après la salutation finale. Ce hadith a également été cité précédemment. Donc ceci est l'avis du cheikh et un groupe de savants. Tandis que certains sont d'avis que les prosternations de la distraction doivent toujours s'effectuer avant le salam, sauf dans le cas où le prieur salue avant l'accomplissement total de la prière. C'est l'avis de l'imam Ahmed et de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, qu'Allah leur fasse miséricorde. Néanmoins, il est plus simple de dire comme l'a mentionné certains savants, et qu'en vérité, cette affaire est vaste, car les savants sont unanimes quant à la permission de se prosterner avant ou après le salam. L'auteur conclut par sa parole, si deux distractions surviennent pendant la prière et que l'une doit être corrigée par deux prosternations avant la salutation finale et l'autre par deux prosternations après, les savants disent que le prieur doit effectuer uniquement les deux prosternations avant la salutation car elles prennent le dessus sur les prosternations après la salutation. Exemple, une personne qui effectue la prière de Dhuhr se lève pour la troisième unité sans effectuer le premier tashahhud, puis elle s'assoit dans la troisième unité, croyant que c'est la deuxième. Ensuite, elle se rend compte que c'est en fait la troisième. Elle doit alors se lever, terminer sa prière et effectuer les prosternations de la distraction avant la salutation finale. Cette personne a délaissé le premier tashahhud qui doit être corrigé par deux prosternations avant la salutation finale. Elle a aussi ajouté la position assise lors de la troisième unité qui doit être corrigée par deux prosternations après la salutation finale, mais les deux prosternations avant la salutation finale l'emportent et Allah est le plus savant. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider, nous et nos frères, à la compréhension de son livre et de la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'à leur application extérieure et intérieure dans la croyance, l'adoration et le comportement. Je demande également à Allah que notre fin à tous soit meilleure. La louange appartient à Allah, le Seigneur des mondes. Que la bénédiction et le salut d'Allah soient sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et sur l'ensemble de ses compagnons.